maman. EDF. Vous sentez cette bonne odeur de linge propre? Ah, bah non, évidemment. Mais faites-moi confiance, ce linge est propre. Mais surtout, lavez en décalé, puisque j'ai évité de faire ma lessive en rentrant du travail, en même temps que tout le monde, quoi. Ça ne change rien à son odeur, mais ça change tout pour le système électrique. Ça fait partie des gestes utiles EDF. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes-utiles. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Blockbuster, jusqu'ici tout va bien. Bah tu m'étonnes que ça va bien. John Williams, moi déjà là les 20 premières secondes, j'avais toutes les musiques dans la tête. Et ben ça a duré pendant toute la semaine. Merci, voilà. Nya nya nya nya nya nya nya nya nya. Et vous vous rendez compte ce que vous faites aux gens? C'est bien, hein? Mais c'est mal, mais c'est bien. Nya nya nya nya nya nya. J'en peux plus, j'ai ça dans la tête tout le temps. Salut Frédéric. Que demande Dark Vador dans une boulangerie? 3 pains et 2 tartatins. Pain pain pain tartatin tartatin. Nickel vos émissions. À quand une sur la Fondation STP, s'il vous plaît? Yeah, hello, that's John Williams. I'm calling just to answer a message that somebody sent me during your last invasion. I'd be really pleased to come to Paris to play some music, but only if Dedo comes to the concert. Here we go, and I hope I'm going to see this great French star. I kiss you, goodbye. Je t'appelle parce que je suis en train de regarder les anneaux du pouvoir. C'est une vraie tannée, c'est une vraie plaie, c'est pieds velus qui cassent les miens. J'espère marcher dedans du pied gauche. C'est vraiment une série pourrie, elle est dégueulasse. Nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya. J'en peux plus, j'avais celle-là aussi. Merci quand même, à la semaine prochaine. To be or not to be, not to be. Je fais partie des parents tortionnaires qui ont interdit à leurs enfants de voir les films Harry Potter tant qu'ils n'ont pas lu les livres. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'évolution de J.K. Rowling et mon fils qui refuse de lire le livre d'une transphobe ou ma fille qui me rétorque que le livre devrait s'appeler Hermione Granger tant c'est elle qui fait le gros du taf dans l'histoire, dixit sa copine Eva qui, elle les a vus les films. Sexiste et transphobe, c'est pas forcément ce que j'attendais comme argument pour ne pas lire Harry Potter. Néanmoins, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait se retrouver seul face à une œuvre pour laisser son imaginaire combler les trous du récit et donner une voix au personnage. Lire Harry Potter en ne pouvant imaginer rien d'autre que l'acteur Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry ou même Alan Rickman dans le rôle de Rogue, je trouve ça dommage. C'est interdire à son imaginaire de faire le casting qui nous conviendrait le mieux. Et puis, il y a la jurisprudence Batman. Pour beaucoup, le Batman idéal, c'est Christian Bale, Ben Affleck ou Michael Keaton. Pour moi, c'est Kevin Conroy. La voix de Batman, la série animée et des jeux vidéo Arkham. Une voix capable de passer d'un Bruce Wayne séducteur et facétieux à un Batman autoritaire et menaçant, tout en laissant apparaître tellement de nuances de variations dans un rôle comme dans l'autre. Kevin Conroy était mon Batman préféré. Un comédien qui avait compris qu'un Batman crédible n'aurait pas nécessairement besoin de parler comme s'il avait un cancer de la gorge pour avoir l'air menaçant. Kevin Conroy vient de nous quitter. Il est mort à 66 ans d'un cancer de l'intestin. Monumental dans son apport au Chevalier Noir, je voulais aujourd'hui lui rendre hommage à lui qui a laissé Batman sans voix. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. You're not well, Mr. Wayne. You need professional help. Menteur! Vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'est un rêve. Quelque part, je suis sûr que vous me manipulez. A dream? Why do you think that? Je m'en doutais depuis le début, et mes soupçons se sont confirmés quand j'ai essayé de lire le journal. Les caractères n'avaient aucun sens. Yes. La lecture est une fonction qui relève du côté droit du cerveau, alors que les rêves dépendent du côté gauche. Il est impossible de lire quoi que ce soit dans un rêve. Granting that's true, how is it my fault? Je l'ignore, à vrai dire. Mais vous êtes la clé d'énigme. Je savais que vous viendriez ici. Cette tour fait partie de mes rondes nocturnes. À présent, j'exige des explications. Grâce à notre réalisatrice Anne-Sophie Ladon, nous avons réussi l'exploit impossible de réunir les deux voix de Batman, la version française Richard Darbois et la version américaine Kevin Conroy. Retour en arrière, nous sommes en 1992, cela fait 4 ans que Tim Burton a remis Batman au goût du jour avec son film culte. Le studio Warner Bros. Produit un dessin animé censé faire la synthèse de toutes les versions du Chevalier Noir. Un dessin animé capable de séduire adultes et enfants. Le résultat ? Une série incroyable créée par Bruce Timm et Eric Radomski, qui est encore aujourd'hui considérée comme l'adaptation ultime de Batman. Pour revenir sur ce monument de l'animation télévisuelle américaine, j'ai avec moi Alexandra Ramos, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante et rédactrice comics et productrice du podcast Comme dans ta bulle. C'est ça. Avec nous également, et on est ravis de le recevoir, Douglas Attal, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du film Comment je suis devenu super-héros sur Netflix et de l'incroyable série audio Batman Autopsy sur Spotify. C'est ça. Avec nous également, Olivier Corentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur pour Comics Blog et chroniqueur comics pour le podcast First Print. Oui. De retour, Océane Zerbini, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes la créatrice des podcasts Lemon Adaptation Club et Infusion. Exactement. Avec nous, de retour également, Philippe Bunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Animascope. Exactement. Vous avez la liste de mes Gotham Knights d'un jour, le bat-signal est allumé, il est la nuit. Il est la vengeance et il est surtout un dessin animé culte de notre enfance. Ça fait 23 ans que je joue ce rôle. C'est juste incroyable. Je veux dire, c'est génial, vous savez. C'est vraiment un honneur de faire partie de quelque chose comme ça pendant 23 ans. Mais d'avoir créé ce son, quand Batman a d'abord été lancé, vous voyez, être là-dedans, avec Bruce Timm, Paul Dini et Ray Romano, c'était tellement une belle équipe de créateurs. C'était juste un rôle. On ne savait pas vraiment ce que ça allait devenir. Personne ne savait si ça allait tenir plus d'une saison. Et ça a grandi et grandi, évolué dans d'autres séries. Mais on ne sait jamais, quand on est acteur, ce qui va se passer. Mais je me souviens, la première fois que je me suis installé, vous savez, on fait les enregistrements en premier, puis tout part chez les artistes, et ils dessinent et colorisent et ça revient. Donc il y a un délai de 6 mois sur ces séries animées, entre le moment où vous enregistrez et le moment où vous voyez le résultat. Et les premiers 6 mois, on a juste utilisé notre imagination pour créer tout ça. On n'avait encore rien vu. Donc quand les premières images sont arrivées, elles étaient colorisées en Corée. Et je me suis installé dans ce studio de doublage et tout d'un coup, j'ai vu ces lumières, ces couleurs, ces sons, cette bande son symphonique et cet art graphique magnifique. J'ai dit, j'avais aucune idée que c'était ça que je faisais. Je savais pas que c'était sur ça que je travaillais. C'était génial. Poor Harvey, so filled with anger. Do you think there's any hope? Where there's love, there's hope, Commissioner. But a little luck wouldn't hurt. For you, Harvey. On vient d'entendre Kevin Conroy qui parle de son incroyable expérience sur Batman, la série animée. Philippe Bunel, au moment de la création de cette série, à quoi ressemble le paysage des programmes jeunesse aux États-Unis ? Tout sauf à Batman, justement. C'est plutôt des productions purement axées pour la jeunesse, qui ne prennent pas forcément en compte les adultes, sauf bien sûr de l'époque de Tex Avery, où il y avait toujours des petits sous-textes. Mais surtout, graphiquement, on est dans du cartoon, et avec des formes arrondies, les corps qui se contorsionnent, voilà, quelque chose, un univers beaucoup moins réaliste, même les super-héros. Il y avait Super Friends, qui était une série donc créée par Hanna-Barbera, en animation limitée, donc une animation assez pauvre, où on voyait toute la Justice League qui était là, et bah c'était toujours dans cet esprit un peu serial, pulp, où il fallait divertir le temps d'un épisode très coloré, très lumineux. On était encore assez proche de l'esprit de la série Batman, la série live, avec Adam West et Burt Ward des années 60. Exactement, c'est ça. L'idée c'était de divertir, il y avait rien qui entachait le super-héros. On n'était pas encore dans cet esprit de dire aux enfants, tiens, ton super-héros, en fait, il peut être dans la crasse, il peut douter. Voilà, c'était quelque chose encore de lumineux, comme le western. Il a eu sa phase de western classique, lumineux. Après, il y a le sur-western, où le héros, il devenait un petit peu plus sombre, ambivalent. Voilà. Et du coup, bah, c'est grâce à cette époque-là, dans les comics, dans les années 80, que le héros il devient un petit peu plus... un peu plus étrange, plus bancal, on va dire. Et après, dans l'animation, c'est Batman, la série animée, qui a amené ça. Et comment est né ce projet ? Parce qu'il y a eu évidemment le succès du Batman de Tim Burton, mais c'est en 89. À quel moment le studio Warner se décide de faire une série qui prend le risque d'avoir une thématique plus mature ? Ils rebondissent justement sur le film. Qui lui-même était assez mature. Hein. Moi, je me rappelle, je l'avais découvert à 4 ans. Ma mère me cachait les yeux. Elle dit, qu'est-ce qu'on est allé voir ? C'est pas le super-héros que tu regardais à la télé où il y avait les rediffusions du Batman de 66. Et en fait, ils avaient prévu donc une série animée Batman, une production animée de Batman. Et donc, il y a justement Eric Radomski et Bruce Timm qui sortaient de la série Teeny Toons. Et donc Radomski était plutôt du genre décor, Bruce Timm était plutôt chara-design, donc les personnages, et ils leur ont dit, il faut faire un truc sur Batman. Chacun de leur côté, ils ont dessiné. Ils ont proposé ça donc à la présidente de Warner, qui était Jean McCurdy, et elle a été époustouflée par le travail. Du coup, elle leur a dit, allez hop, on part, on commande une série Batman, vous faites d'abord votre pilote et on verra ce qu'on fait après. Ils créent un pilote qui est juste excellent, parce que en fait c'est ce qui deviendra le générique très classique qu'on connaît maintenant de la série de 92. Oui, où d'ailleurs il y a aucune inscription, on voit juste Batman comme ça qui arrête des cambrioleurs voilà sur un toit. Il est filmé comme ça dans le noir, il y a juste ses yeux qui apparaissent. C'est ça. Et il y a une animation très souple, non, il évite des balles, ça c'est pas dans le générique. C'est quelque chose encore avec des formes arrondies des Teeny Toons qui disparaîtront avec la série et c'est super intéressant, ça c'est même disponible sur YouTube, c'est facile de regarder, on voit même le travail de préparation, c'est super sympa. Et il y a une influence majeure dans leur travail qui est un dessin animé qui est bien plus ancien, qui est le Superman de Fletcher. Exactement, ça c'est pour... C'est pour la partie colorisation, surtout, l'ambiance, donc les années 40, le côté... alors il y avait le gothique... parce qu'il y avait le Batman, qui c'était tout un phénomène, de Tim Burton. Et bien entendu, pour l'aspect esthétique, polar, années 40, ça c'est un truc qui le revendiquait. Et les décors, les images un peu délavées, un peu palottes du dessin animé des Fletcher, de Superman. Ouais. Alexandra Ramos, à quelle occasion avez-vous découvert Batman, la série animée ? Moi, j'ai découvert après le film de Burton, et à la télé. Et ça a été un véritable coup de cœur. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même si ça s'inspire un petit peu des films de Burton, Bruce Timm le dit qu'il avait une relation un peu amour-haine avec ce film-là. Et que au niveau de la production, il voulait pas que ce soit forcément un produit dérivé. Et on le sent qu'il y a une sorte d'inspiration et en même temps un produit unique, quelque chose d'assez différent. Deux choses gothiques, mais un film qui a sa propre identité et une série, elle, qui arrive à vivre par elle-même et avoir des épisodes tout aussi intéressants, c'est-à-dire qu'on a une vraie continuité. Avoir aussi un épisode est une histoire avec un méchant qu'il faut attraper, mais aussi des continuités tout au long et tout aussi bon. Douglas Attal, à chaque fois qu'on adapte Batman, et c'est encore un débat qu'on peut entendre jusqu'à très récemment, les gens disent, moi mon Batman préféré c'est celui de Michael Keaton, c'est celui de Ben Affleck, etc. Et j'ai l'impression que pour Batman, la série animée, il y a une forme de consensus en se disant, ils ont réussi à créer quelque chose de la quintessence en fait de Batman. Ouais, je pense qu'ils ont réussi à synthétiser plusieurs aspects du personnage préexistant, mais aussi apporter vraiment une nouvelle touche. Après, je pense que ce qui fait que tout le monde aime beaucoup cette série, c'est sa grande humanité, voire même son humanisme. Le traitement du personnage de Batman, tu en parlais tout à l'heure, les doutes qu'il a, et puis aussi vraiment le traitement des personnages, des personnages de méchants. Ils sont tous totalement réinventés dans une idée d'en faire des sortes de méchants un petit peu tragiques qui ont tous un peu vécu dans leur passé quelque chose de douloureux et qui font d'eux ces méchants qui sont aujourd'hui, mais voilà, on est vraiment très très attaché au personnage et voilà, je trouve que c'est ça qui fait vraiment la qualité de ce formidable dessin animé. Olivier Corentin, vous avez découvert la série animée à quelle occasion ? Non, je saurais vraiment pas te dire. Pour moi, ça a toujours été ancré, en fait. C'est toujours une sorte de référent, et je pense que pour toute une génération de fans de comics ou de fans de super-héros en général, c'est de toute façon l'un des premiers souvenirs, l'un des premiers pas. Ce que disait Douglas est effectivement intéressant dans le côté l'humanité, en fait, de ces personnages-là, et par rapport à ce que tu disais aussi. Les cartoons qu'on avait avant, ou même qu'on avait en parallèle, ont vraiment une tête totalement différente de ce que va être Batman TAS au niveau de la qualité d'animation. Batman TAS, c'est Batman The Animated Series. Excuse-moi. Au niveau de la qualité de l'ambiance sonore aussi, de l'écriture des personnages de vilains, de héros, toute la mythologie qui va se développer autour et qui va être déjà un premier sort d'univers partagé, en fait, comme on a aujourd'hui chez Marvel Studios, et qui plus tard, après, va commencer à poser un petit peu le sérieux qu'on retrouvera dans la génération des cartoons de Cartoon Network, par exemple, avec voilà les créations Powerpuff Girls, Samurai Jack. Tout, en fait, pour moi, part de là. C'est vraiment toute la qualité du dessin animé, à la fois pour les enfants et pour les adolescents, part vraiment de cette école-là. Et d'une manière générale, quand on est fan de comics aujourd'hui, souvent, on retrouve cette origin story, entre guillemets, qui a été la série animée Batman de Tim, Dini, Burnett, Radomski. Océane Zerbini, vous avez vu la totalité de la série il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc comment s'est passée la réception ? En fait, à la base, c'est le premier Batman que j'ai découvert quand j'étais petite avec un bol de céréales le dimanche matin devant France 3 avec tous les autres dessins animés aussi. Et en fait, je pensais... Et la case super-héros du dimanche matin. C'est ça, F3X, le choc des héros. Et en fait, je pensais que tout Batman était comme ça. Et en fait, par exemple, quand je voyais Harley Quinn, je pensais que c'était une invention des comics et que juste la série l'avait reprise. Donc ça a créé une sorte de malentendu et c'est pour ça que c'est peut-être aussi mon itération préférée de Batman. Et en revoyant la série, j'avais pas forcément conscience du propos extrêmement sombre. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait me diffuser ça alors que j'étais enfant. Parce que même si... il n'y avait pas forcément beaucoup de violence montrée. Elle était quand même très sous-jacente dans les thèmes, dans les combats aussi. Donc c'était quand même une science un petit peu du montage sonore, du montage tout court, où il ne fallait pas forcément montrer l'impact des balles, mais on pouvait juste les voir être tirées. Donc c'était un code assez strict à respecter aux États-Unis à ce moment-là. Et en revoyant la série, c'est intéressant de voir les limites déjà un petit peu politiques de la série à l'époque. Et en même temps, de voir cette très grande maturité et de voir aussi la confiance absolue qu'ont eu les auteurs pour raconter des histoires quand même extrêmement sombres. Avec, je reparle un peu d'Harley Quinn avec cette relation extrêmement toxique avec le Joker, avec tout ce qui a trait à Poison Ivy et l'éco-terrorisme, avec tout ce qui a trait à la pègre, à la corruption. C'est pas des thèmes forcément évidents à faire comprendre aux enfants. Donc parfois c'est un petit peu imparfait, mais pour l'époque c'était quand même une série qui traitait d'énormément de sujets extrêmement adultes, mais à destination des enfants. Philippe Bunel, c'est vrai que ces contraintes liées à la chaîne sur laquelle ça va être diffusé et à l'âge des spectateurs, quel défi ça a posé aux créateurs ? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sang, s'il y a des pistolets, il ne faut pas qu'il y ait des impacts de balles. Alors, je crois qu'il faut le voir dans l'autre sens. Quelles opportunités ils ont eues de pouvoir adapter Batman, qui avait eu un regain de maturité dans les comics depuis une dizaine d'années. On leur demande une série animée Batman pour les enfants. D'accord ? C'est le concept, l'animation, c'est pour les enfants. On reste dans ce cliché-là à cette époque-là. Et puis même maintenant, on est dans... Oui, il y a encore certains directeurs de Disney qui disent que l'animation, c'est quelque chose de réservé. Bon, après, ils se font virer. C'est ancien directeur. C'est ancien, oui. Mais c'est vrai que c'est majoritairement réservé aux enfants. Les plages horaires sont faites pour... Ce qui est fort avec Batman, c'est qu'ils ont réussi à créer une série sur le fil du rasoir constante. Comme tu le disais si bien, d'un point de vue thématique, ils arrivent toujours à soulever des sujets assez durs, mais en même temps à avoir un aspect graphique tellement attrayant que l'enfant qui passera à côté de beaucoup de choses qui sont assez dures sera attiré par justement tout ce déballage de monstres et de super-héros. Parce que ça reste une série de super-héros malgré tous les codes du polar, de l'horreur qu'on retrouve derrière. Donc en fait, moi je vois plutôt qu'on leur a donné une série pour enfants et ils se sont dit tiens, on va aller jusqu'aux limites pour en faire quelque chose de mature, bien entendu. On sait qu'il ne faut pas montrer de sang, qu'il ne faut pas montrer de trucs trop explicites. Mais moi, j'y vois une grande opportunité et du coup, plutôt une grande liberté que des contraintes. Oui, puis il faut quand même rappeler que dans les années 80, par exemple, les balles étaient généralement des balles de pistolet laser, en fait. Quand on pense à G.I. Joe ou à Transformers, qui sont un petit peu deux grands cartoons vedettes à licence, justement, ou même cette école Hanna-Barbera dont tu parlais tout à l'heure, les deux grands studios qui ont fait les années 80 d'animation, c'est Hanna-Barbera et Filmation, et c'est d'ailleurs de là que viennent Bruce Timm, Paul Dini, Alan Burnett et compagnie. Burnett, qui sera un des grands scénaristes, qui écrira notamment l'épisode sur Double Face, lui venait justement de DuckTales. Et il expliquait qu'il en avait vraiment assez, en fait, cette morale systématique. Rappelez-vous aussi du cartoon Sonic, par exemple, où il y avait, pareil, l'encart moralisateur à la fin. Sonic va vous expliquer la vie, les enfants et tout. Vraiment, ce qu'on considère, nous, comme des contraintes, c'était en fait plutôt une aide du studio. Ce que disait Burnett, justement, c'était qu'en fait, ils avaient une sorte de contrôle qui venait voir les scripts à la fin. Il prend l'épisode d'un rêve que fait Batman, où il veut se réveiller, et donc il doit se jeter d'un bâtiment et donc métaphoriquement se suicider. Cet épisode-là, il a été vraiment sauvé par Fox, qui a dit c'est une très bonne idée, il faut qu'on la sauve, mais il faut pas qu'il se jette dans le vide, pardon. Il faut qu'il y ait un petit nuage en dessous pour justement que ça donne l'idée qu'il risque pas de mourir, c'est juste que la chute va le réveiller. Et en général, quand on en parle avec Tim, avec Dini, Tim, bon, généralement, lui est plutôt frustré parce qu'il y a vraiment des idées qu'il aurait aimé insuffler, qu'il n'a pas pu faire. Et c'est pour ça qu'il va essayer maintenant de les faire dans le présent. Mais quand on en parle avec Dini ou avec Burnett, eux, ils disent vraiment que non, c'était très bienveillant, la relation avec le network. Et qu'en fait, ils ont vraiment poussé des portes qui étaient jusqu'ici, mais vraiment inenvisageables. C'est les flingues, on en parle. Effectivement, il y a la pègre, il y a cette imagerie de New York, Chicago, qu'ils ont emprunté à Burton et qu'ils ont récupéré des comics de Bob Kane, de Bill Finger. Vraiment, à l'époque, c'était Dino Riders, quoi. C'était les commandos qui vont dans l'espace, qui font des réacteurs avec des bulles d'air, quoi. Enfin, c'est totalement un autre monde, le cartoon des années 80. Oui, et Douglas Attal. Ouais, pour ça, faut aussi vachement rendre hommage à la productrice de la série, Jean McCurdy, qui a vachement soutenu les créateurs et leur a laissé une énorme liberté et les a vachement soutenus vis-à-vis de la chaîne. Et puis, je pense que aussi sur certains moments, les créateurs ont vu cette contrainte comme un truc d'inventivité. Je pense par exemple à la scène où on voit les parents de Robin mourir. En fait, le fait que ce soit... Ils sont trapézistes et... C'est des trapézistes et en fait, on les voit s'élancer sur leurs cordes. Et puis, ils meurent en off. En fait, on voit juste revenir à l'écran la corde coupée du trapèze. Et c'est une scène très forte, très évocatrice. Et je pense qu'ils ont vraiment utilisé cette contrainte pour créer des choses extraordinaires, quoi. Oui, d'ailleurs... Je me souviens d'un épisode où Bruce Wayne cauchemarde la mort de ses parents et on les voit marcher dans un tunnel très stylisé Art déco, ouais. La tonalité de la série. Et en fait, la forme du tunnel ressemble à l'embouchure d'un pistolet. Et en fait, ils rentrent à l'intérieur et c'est des idées graphiques qui sont absolument phénoménales et qui fonctionnent très très bien. D'ailleurs, il y a aussi cette volonté de rendre la série intemporelle. Alexandra Ramos, tout à l'heure, vous disiez que la série était gothique, mais elle l'est par certains aspects, au niveau des gargouilles que l'on associe souvent à Batman. Mais elle est aussi très art déco, parce qu'il y a des zeppelins, il y a des ordinateurs, mais en même temps, les voitures ressemblent un petit peu à l'image qu'on pourrait se faire des voitures des années 40 ou 50. Et en même temps, la télévision est encore en noir et blanc, alors qu'il y a une technologie très très futuriste. Il y a cette volonté aussi de créer quelque chose qui est complètement fou dans l'univers. Oui, bah, y a même un terme qui a été posé, qui est le dark déco. Et cette façon d'avoir des papiers peints noirs, d'avoir des effets de couleurs, d'avoir ce style un peu qui est pris au film de Citizen Kane des années 40, d'avoir ce look un peu des flics avec le chapeau et les grandes vestes, et en même temps d'avoir des trucs un peu plus futuristes. Il y a ce mélange-là qui fonctionne super bien et qui apporte vraiment des touches uniques à chaque épisode. Et il y a évidemment le comic book du moment, Olivier Corentin, à ce moment-là, dans les années 90, comment se porte Batman ? Parce que évidemment souvent on cite la réinvention par Frank Miller de cette époque-là, mais c'est crucial justement. C'est probablement que le film n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu Frank Miller, enfin le film de Tim Burton, j'entends, hein, ou Killing Joke évidemment. Il y a deux réponses à cette question. C'est d'une part le comics Batman, c'est-à-dire Detective Comics ou Batman qui publiait tous les mois chez par DC Comics, où on va dire que ça fluctue, c'est-à-dire que les années 90, pour ceux qui ne voient pas, sont une période de grand désordre pour la bande dessinée américaine, où on va rajouter du muscle à des héros qui sont déjà très musclés. On va rajouter beaucoup de violence. Là, en l'occurrence, on n'a pas attendu le Batman de la série animée pour ça. On va rajouter aussi des corps féminins de plus en plus... Voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses très vulgaires et très consuméristes qui vont être à cette époque-là. Mais en parallèle, Batman, qui est toujours un cas d'exception, et c'est pour ça d'ailleurs que la série animée, que le film de Burton, il y a toujours une sorte d'effet élévateur chez Batman. Même aujourd'hui dans le présent, on voit The Batman ne ressemble pas au film de Marvel Studios. Et chez Batman, à ce moment-là, parce qu'il y a eu les comics effectivement, de Frank Miller, parce qu'il y a eu Crisis aussi, qui est un peu le Avengers Endgame des comics, pour donner une image schématique à ceux qui ne voient pas, permet de créer une nouvelle continuité, une nouvelle page blanche où on va développer de nouvelles histoires. Et particulièrement... je rappelle rapidement aux auditeurs, c'est un moment où toutes les réalités qui composaient l'univers DC sont réunies en une seule, parce qu'il y a un grand événement qui s'appelle Crisis et qui supprime les réalités parallèles pour en créer une nouvelle, ce qui permet de relancer tous les super-héros en faisant fi d'une continuité qui commence à être un peu lourde et un peu gênante. Et c'est d'ailleurs un phénomène que vous ne tarderez pas à découvrir avec Marvel, j'en suis quasiment sûr. Exactement, et à côté de ça, effectivement, le format roman graphique qui est arrivé en parallèle. Donc on a, en l'espace de quelques années, une vraie accélération de la qualité. En fait, chez Batman, on a des jeux des œuvres comme Arkham Asylum, Sirius House and Sirius Earth de Grant Morrison, Dave McKean. On a l'extraordinaire anthologie Legends of the Dark Knight, qui arrive aussi en parallèle, qui est un condensé d'histoires cultes, de chefs-d'œuvre qui se développe encore une fois en parallèle de bandes dessinées beaucoup plus consuméristes, où Batman s'apprête à se faire casser la colonne vertébrale par un rival. Et même dans la série principale, on parle encore de violence policière, on parle encore de racisme, on trouve encore des nouveaux vilains et de nouveaux rivaux intéressants à développer. Et justement, la série animée fera aussi du bien, parce qu'elle permettra de créer des œuvres comme Mad Love, par exemple, qui sera un chef-d'œuvre tardif dans la continuité du Chevalier Noir. Ce qui prouve encore une fois qu'il y a tout est encore à inventer à ce moment-là. Par contre, voilà, c'est vraiment le cas spécifique de Batman. Le reste des comics à l'époque ne ressemble ni à TAS, enfin, ni à la série animée, pardon, je vais y arriver, ni précisément au film de Tim Burton, qui sont une sorte de grand melting pot entre Adam West, entre Bill Finger, entre évidemment le Killing Joke qui sert d'origine story au Joker, de manière encore une fois très empruntée. C'est pas du tout le Jack Napier, le Joker en comics. D'ailleurs, le lien le plus évident qu'on peut faire entre le Batman de Tim Burton et la série animée, c'est surtout un lien qui est presque plus sonore que visuel. C'est le fameux thème de Danny Elfman, qui a été réutilisé pour le générique de la série. Et on va parler de la musique et de la manière dont le dessin animé a été accompagné orchestralement. Mais on va réécouter, bien évidemment, le thème de Batman, la série animée. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Ah, ce générique, c'était des frissons. En le réécoutant comme ça, j'étais en train de dire hors antenne que voilà, je me revois encore découvrant le premier épisode à Canal+. Premier épisode qui était un épisode qui n'était pas celui avec Man-Bat, mais celui avec le Joker qui s'évade d'Arkham le jour de Noël. Voilà, Batman, voilà. Et ça a été ma première rencontre et j'étais comme un fou. Je me souviens en voyant ça. C'était je savais pas que c'était le premier épisode. C'est le premier qu'ils ont dit. C'est le premier qu'ils ont diffusé à Canal+. Et voilà, ce qui est très très bizarre, parce qu'en fait, on est vraiment largué au milieu d'un univers, mais en fait, on accrochait aisément. Alors, la question qui se pose, c'est on a entendu les noms de Bruce Timm et de Eric Radomski, mais Philippe Bunel, d'où viennent ces deux nouveaux talents? Alors justement, c'est plus des nouveaux talents puisque ils sont déjà bien habitués au dessin animé de la Warner. Il y a Bruce Timm, il a travaillé chez Filmation dès 81, où il était donc chara-designer et layout artiste, donc les dessins définitifs qui servent à l'animation. Il a travaillé notamment sur les Maîtres de l'Univers et Shira, l'univers du coup qu'on connaît bien. Donc il a toujours été très fan d'animation classique. Et pas forcément effectivement du Burton pour ce qui est du Batman. C'est pour ça que la série, elle s'en écarte progressivement de l'aspect gothique. L'aspect gothique, on l'a surtout dans ce générique qui s'imprègne en fait de la série. Mais après, il essaye vraiment de faire autre chose avec ses collègues Burnett et Dini pour partir sur quelque chose de plus... D'ailleurs, on voit cette dichotomie, ce débat permanent dans la série, notamment autour du personnage du pingouin, qui ressemble énormément dans sa première version à Danny DeVito dans Batman Returns. Et ensuite, qui va évoluer vers une version beaucoup plus dandy, plus proche de ce qu'il était censé être dans le comic book. Choix, je crois. Mais que ce soit pour le personnage de pingouin ou même de Catwoman, à la base, on lui avait dit, il faudrait vraiment que ça ressemble à Michelle Pfeiffer parce qu'elle avait marqué les esprits. Et il est parti sur le costume gris, déjà parce que tout était quasiment tout noir et donc c'était pour apporter entre guillemets un peu de couleur et pour qu'elle soit un peu unique et éviter d'être juste une sorte de produit dérivé du film de Burton. Oui, et c'est d'ailleurs quand ils ont changé la couleur du ciel aussi dans l'évolution, rouge qui a permis le retour du costume noir, parce que là, elle était dessinée sur ciel rouge, alors que quand le ciel est noir, on voit que des yeux. Il y avait cette logique créée. Mais la compo de l'image, elle est super savante, parce que donc Radomski, lui qui est un dessinateur de décor, fait des traits qu'on connaît très bien chez la Warner, avec même les Tiny Toons, les Looney Toons en général, des traits très épurés, avec des décors assez vides, où il n'y a pas vraiment grand monde. Gotham, là, c'est un Gotham assez vide, hein, en fait. Hein, quand, regardez, ça participe à l'oppression un peu qu'on a. Quand j'étais gauche, je voyais ça, il était tout seul, Batman, dans une ville ultra suffocante, parce qu'il n'y avait personne, en fait. Et en fait, on a, du coup, des personnages avec des formes angulaires qui s'apprêtent justement à être animé facilement, parce qu'il n'y a pas énormément de détails. Par contre, il y a un impact visuel dingue. Donc ça, c'est vraiment Bruce Timm qui fait ça. Et en même temps, avec ses femmes, les petites pin-up, il va aller faire des courbes assez, assez arrondies. Et Radomski, lui, il va mettre en place des décors tantôt réalistes, tantôt tranchés, voilà, avec les buildings qui sont parfaitement droits, des rues parfaitement droites. Voilà. Il fait quelque chose d'assez efficace aussi, pareil, pour animer et pour reproduire après tout le long de la série en animation. Donc ça, c'est vraiment une cohésion, en fait, artistique. Et Radomski, qui est aussi à l'origine de l'adaptation en animé d'un autre super-héros, Spawn, dans lequel on reprend aussi cette thématique de la noirceur dans une ville comme ça. Alors, exactement. En fait, Spawn, c'est un enfant de Batman, la série animée. Et parce que Spawn, le comics, est un enfant, justement, de Watchmen, de The Killing Joke, du Miller, où, justement, il y avait un éclatage pop culturel dans l'univers du comics. Et là, les auteurs pouvaient se faire leurs propres super-héros indépendamment des grandes sociétés que sont Marvel et DC Comics. Et ce qui leur permettait de faire de la surenchère en termes de violence, d'hypersexualité. Enfin voilà, c'était vraiment... On était dans un univers très juvénile. Et quand il fait Spawn en animation, c'est très sympa parce que il fait un peu comme Batman. Il essaye de ramener ça à quelque chose de plus mature, plus simple. Plus stylisé aussi. Ouais, bien sûr, obligé. Et comme pour la première série, enfin pour la série de Batman, il appelle aussi des artistes japonais qui lui permettent justement de créer quelque chose de différent qu'on n'a pas l'habitude de voir aux États-Unis. Alexandra Ramos. Cette violence aussi qu'on a dans les séries animées ou dans les comics, ça vient aussi d'un Comic Code Authority lancé en 54, qui était une régulation pour que les comics soient un peu plus doux, qu'il n'y a plus de sang, qu'il n'y a plus de sexe. Et les années 80, ça a explosé via l'essor de l'industrie du comics indépendant, avec les maisons comme Fantagraphic, comme Image Comics, comme Dark House, où finalement, là, ça y est, il était temps aussi de proposer des histoires beaucoup plus sombres, beaucoup plus adultes, pour le lectorat se ressente un peu concerné. Et alors, on a évidemment parlé de la forme de Batman, la série animée, mais il y a aussi le son et notamment les voix qu'il incarne. Et si on a déjà évoqué Kevin Conroy, mais sur lequel on va revenir également, il y a une autre voix très importante et qui est très connue des fans de pop culture, c'est bien évidemment celle du Joker. On l'écoute. There's your two cents. Tiens, pour ma gueule à deux euros. Alors, qu'est-ce que tu comptes lui faire à ma gueule? Listen, I'm sorry. Écoutez, je m'excuse vraiment. J'ai eu une mauvaise journée. J'ai pas eu mon alimentation. Et... Now look, my rude friend. Écoute-moi bien, grossier personnage. We can't have. On ne peut décemment pas laisser les gens s'insulter sur les autoroutes. C'est un manque de bonne manière. Et moi, je vais tout simplement t'apprendre la politesse. Charles Michael Collins. Charles Michael Collins. C'est toi? Lousy picture. Très médiocre lousy photo, très médiocre. Adresse, taille, poids, blablabla. Et ta sœur? Oh mon lapin, je te propose ceci. J'oublie ta conduite si tu promets de me rendre un tout petit service à moi tout seul. Oh, ok. D'accord. What? Lequel? I don't know. J'en sais rien du tout. J'ai pas encore réfléchi à la question. Ce petit lapin va pouvoir retrouver sa misérable petite vie insignifiante et quand j'aurai besoin de lui, je l'appellerai. Alors, ça marche, c'est d'accord? Donne mes nouvelles. Le Joker en VO qui est interprété par Mark Hamill, Luke Skywalker de Star Wars, et en français par Pierre Attey, qui est également la voix de Doc Brown dans Retour vers le futur. Donc c'était très difficile de concevoir cette émission parce que évidemment ce que je disais en antenne, c'est qu'aujourd'hui je les regarde avec mes enfants en VO, mais je sais que je les ai découverts en VF, avec des comédiens de doublage absolument formidables. Richard Darbois qui interprète Batman, c'est aussi la voix du génie dans Aladdin. C'est la voix d'Harrison Ford. Et c'est la voix d'Albator. Oui. Donc vraiment, autant dire qu'il y a un bagage, il y a un gros CV. Et j'aimerais qu'on parle de cette réinvention du personnage du Joker dans Batman, la série animée, parce que je trouve que même encore aujourd'hui, de la même manière qu'on parlait de quintessence pour le personnage de Batman, le Joker de la série animée, pour moi, a tout ce qu'il faut, là où il faut, Océane Zerbini. Oui, je suis complètement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que à la base, il y a Tim Curry qui avait été envisagé pour doubler le Joker en VO et finalement, ça ne l'a pas fait. Il avait même doublé, des épisodes. Exactement. Et en fait, il a été remplacé après par Mark Hamill parce que Alan Burnett n'aimait pas du tout le résultat. C'est ça, et Tim Curry a prétexté qu'il était malade et que, comme il était malade, sa voix ne correspondait pas, avec de gros guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mark Hamill a quand même beaucoup insisté pour doubler ce rôle. Et pour moi, il était plus emblématique que son rôle de Luke Skywalker avec le recul. Je trouve qu'il y apporte beaucoup plus de nuances. On sent qu'il s'amuse beaucoup plus, qu'il y apporte beaucoup plus de ce rire effrayant qu'il adore faire un peu partout quand on lui demande. Et je trouve que sa voix apporte beaucoup d'imprévisibilité au personnage. On ne sait jamais quel sera son prochain geste. On ne sait jamais sur quel pied il faut danser avec lui. Et en fait, je trouve qu'il restitue très bien l'énergie très chaotique du personnage. Là où, par exemple, la version de Jack Nicholson, donc pour rester un peu sur les Burton, avait cet aspect quand même un petit peu plus contrôlé, même dans le chaos. Là où on sent que le Joker de Mark Hamill est beaucoup plus en roue libre. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus dangereux en fin de compte. Quand on ne sait pas exactement quel prochain geste va faire le vilain. Douglas Attal, là je m'adresse au réalisateur de la série audio Batman Autopsy. C'est vrai qu'avoir des grands talents comme ça qui vont incarner des personnages plus grands que nature en enregistrement, c'est pas évident d'avoir le bon casting aussi. Mais je crois que même pour cette série, la manière de concevoir le doublage a été revue de fond en comble. Oui, absolument. Déjà, ils ont pu. On en parlait tout à l'heure. Ils ont pu enregistrer les voix avant d'animer. Alors, je ne sais pas si ça se faisait à l'époque beaucoup d'enregistrer les voix avant que l'animation soit faite. Mais je pense que c'est un vrai atout parce que du coup, les acteurs devaient pas se conformer au mouvement de bouche du dessin animé. Voilà, ils avaient plus de liberté et c'est après les animateurs qui animaient en fonction de l'enregistrement vocal. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un truc génial pour un acteur. réalisateur parce que voilà, c'est... D'ailleurs, Bruce Timm était souvent en session d'enregistrement et disait, il faut, quand il voyait les acteurs interpréter ce qu'ils faisaient derrière le micro, il disait, gardez ce mouvement-là, il faut qu'on dessine notre personnage. Ce qui s'est vu aussi d'ailleurs sur le film Aladdin, justement, où Robin Williams jouait comme ça et les animateurs après rajoutaient justement du mouvement. Robin Williams, qui était d'ailleurs un camarade d'école de Kevin Conroy à Juilliard, quand on voit justement les vidéos, alors c'est donc Andrea Romano qui faisait la directrice de casting, qui voulait beaucoup d'acteurs qui venaient de la scène, des planches, comme justement Conroy. Bon, Hamill venait du cinéma. Et quand on voit justement Hamill en studio, c'est le seul qui est debout et qui, un petit peu comme on a pu voir des doubleurs de Vegeta par exemple, ou des grandes voix françaises comme ça, vraiment joue debout et incarne le personnage à fond. Quelque part d'ailleurs, c'est drôle de se dire que Hamill finira par jouer une sorte de version un peu anormale du Joker dans la série The Flash. Le trickster. C'est que quelque part, on aurait aimé avoir ce Mark Hamill-là quelque part en image réelle, même un jour, parce qu'il a effectivement tellement bien saisi l'identité vocale du Joker, que tous ceux qui sont passés après lui, je pense à Troy Baker par exemple pour le jeu Arkham Origins, a vraiment fait un plagiat en fait, une copie carbone de son rôle de Joker. Il y a plein d'autres voix géniales dans la série animée. Il y a Paul Williams qui fait le pingouin en VO, qui est un musicien et qui est l'acteur qui joue Swan dans Phantom of the Paradise. Il y a aussi Ron Perlman qui joue Clayface. Enfin, ils ont bénéficié d'un casting vraiment extraordinaire. Adrienne Barbeau qui joue Catwoman. Ouais, Strong aussi. Oui. À chaque fois, c'est des gens. Il y a Stacy Keach aussi. Stacy Keach qui fait une voix dans Batman contre le fantôme masqué. Qui joue le père d'Andrea Beaumont. Oui. Enfin, c'est vraiment. Il y a même Adam West. Ouais, qui joue le fantôme. Oui, Grey Ghost. Les acteurs, à chaque fois, quand tu les vois, tu te dis, ils auraient pu jouer le personnage en vrai. Complètement. Ils incarnent, c'est comme John Glover, qui joue le méchant dans. Enfin, le mégalomane dans Gremlins 2, qui joue l'homme mystère. Et qui joue aussi le père de Lex Luthor dans Smallville pour exactement. Toute une génération. Et Ron Perlman, il aurait carrément pu faire Gueule d'Argile, c'est vrai. D'ailleurs, quand je vous ai casté dans Batman Autopsie, je trouvais que vous aviez un petit air du personnage. De l'almanach. De l'almanach. Oui, je choisis aussi un peu en fonction du physique parfois, parce que voilà, ça. Mais j'ai un rapport compulsif aux dates. Mais vous ne le savez pas. Enregistrement blockbuster, ça. Oui, c'est ça. Mais y a aussi donc le personnage de la figure de Kevin Conroy, sur lequel j'aimerais qu'on revienne un petit peu, parce que c'est un acteur qui a vu sa vie complètement changer du jour au lendemain, à cause ou grâce à la voix de Batman, parce que c'est quelqu'un qui avait même été blacklisté d'Hollywood, parce qu'il était homosexuel et que c'était une époque où vraiment c'était rédhibitoire pour avoir des rôles au Ocean Zerbini. Oui, c'est comme si en fin de compte les comédiens de doublage à l'époque on s'intéressait peut-être un peu moins à d'où ils venaient et ce qu'ils étaient. Il y avait une sorte un peu de... pas de... moins considéré en fin de compte, j'ai l'impression. Donc aujourd'hui ça change un petit peu avec tout le star talent qui est là à chaque série et film, pour le meilleur comme pour le pire. Mais Conroy, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de Batman, pour moi c'est surtout Hamlet en fait qui a été une immense œuvre très importante dans sa vie, qu'il a joué sur les planches et qui a été son inspiration principale pour doubler Batman, puisque ça a été un des premiers à dire: quand je joue Bruce Wayne et quand je joue Batman, il faut que les deux aient des voix différentes. Et en fin de compte, c'est un petit détail qui a tout changé par rapport même aux comédiens aujourd'hui qui jouent encore Batman et qui adoptent une voix différente en fonction d'une situation ou d'une autre. Et donc Conroy a apporté aussi cette dualité au personnage, en disant que pour lui, le personnage principal, c'est en fait Batman était sa vraie identité et Bruce Wayne était son masque. Ce qui est un motif qu'on retrouve d'ailleurs dans le The Batman de Matt Reeves sorti cette année. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que même s'il n'a pas forcément écrit de Batman en fin de compte, on a l'impression qu'il a été un peu un architecte du personnage au même titre que tous les scénaristes qui ont écrit sur la série. Tout à fait, et j'en profite pour rebondir, parce que souvent on a l'impression que c'était l'apanage de Kevin Conroy, et c'est vrai que c'est lui qui l'a le plus littéralement incarné, mais Adam West, qui joue donc Grey Ghost, un personnage qui a inspiré Bruce Wayne justement dans le dessin animé, dans la série des années 60, il y a certains épisodes où on voit Bruce Wayne avoir une conversation avec Batman au téléphone, et ils ont une sorte de triple appel avec le commissaire, où on voit Adam West jouer Bruce Wayne qui parle à Batman sur des textures complètement différentes. Et en fait, il incarne déjà ce changement vraiment radical de la voix de Bruce Wayne n'est pas la voix de Batman. Et sauf qu'il le fait en plan séquence où on le voit avec le téléphone et il change le téléphone d'oreille. Et c'est hallucinant parce que c'est une série humoristique. Et là, on a un véritable travail de comédien absolument incroyable, filmé en plan séquence. Et le principal effet spécial, c'est lui. C'était des performeurs. Oui. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a ce débat qui revient sur les voix de Batman, il ne faut pas non plus sous-estimer Adam West et le travail qu'il a fait. Parce que même si c'était une version humoristique, les nuances... Qui étaient proportionnelles aux comics de l'époque. Oui. Hein. À l'époque, Batman n'était pas sombre. Pour celles et ceux qui croient que Super Friends, le cartoon, ou la première série animée Batman des années 60, au tout début des années 60, en animation limitée, encore une fois, et la série d'Adam West, sont des parodies ou des horreurs, etc. Non, c'était très fidèle à ce qui se faisait à l'époque en BD. Après, ce que Conroy a apporté aussi, pour le coup de très différent, c'est ce côté monolithique. C'est Batman, il est sérieux. Il est froid, il est noir... Et il faut, parce qu'il est quand même dans un monde très, très, très dangereux, très malsain, et puis qui peut en venir à sa santé mentale. Et ça, ça va vraiment rester, par contre. Dans toutes les pareilles prestations animées qui auront lieu même sans lui, justement, il y aura toujours ce côté Batman, il parle quadrillé sur un ton monocorde, parce qu'il est dans son enquête, c'est un détective. Il a pas du tout, justement, ce que pourront avoir, alors voilà, avec un peu de tristesse, les personnages, justement, enfin, les incarnations chez Nolan ou même chez Zack Snyder, ce côté rageur, furieux, where are they, etc., qui sera beaucoup plus tard une exagération plus musclée, qui pareil naît des années 90 et tout. Et c'est peut-être un des rares acteurs à l'avoir joué en live action et avoir prêté sa voix, puisque dans le désormais terminé Arrowverse, en fait, dans un des épisodes de Crisis, parce qu'ils ont eu plein de Crisis dans le Arrowverse. Oui, alors j'explique c'est l'univers qui s'est développé autour de la série Arrow, qui reprenait donc un des personnages DC Comics et qui s'est étendu. Après, il y a eu Supergirl, Flash, etc. Voilà. Et il y a eu aussi des événements crossover qui réunissaient tous ces personnages et de lesquels on voit apparaître Kevin Conroy qui joue un vieux Batman. Infinite Earth, et en fait on le voit jouer une version vieille de son Batman, et c'est vraiment très furtif, mais c'était très touchant de le voir comme ça, surtout quand on sait maintenant qu'il est décédé. Mais c'est vrai que quand on voit tous les acteurs qui ont tenté effectivement de faire cette différence de voix, en fait on réalise rétroactivement que c'était pas évident en fait, et ce qui fait, enfin c'est vraiment incroyable, parce que ouais, ses successeurs le font avec plus ou moins de succès, et lui, ce côté monolithique, en fait, il le maîtrise à la perfection. Comme tu disais, il met pas trop de rage dedans. C'est un truc vraiment de froideur qui dose à la perfection. Oui, il arrive même à introduire des nuances d'humanité quand il s'adresse à certains vilains qu'il doit arrêter, mais qu'il a finalement compris. Il voit pourquoi ils agissent comme ils agissent, et tout en gardant la voix de Batman, on sent, alors pas apparaître Bruce Wayne, mais l'humanité du personnage, pour dire il y a peut-être une alternative. Voilà, l'évolution de son ami Harvey Dent, qui devient double face, Two Face, la manière qu'il a de lui parler, ou évidemment Victor Fries, Mr. Freeze aussi, Kevin Conroy réussissait à amener véritablement l'humain qui est derrière le super-héros. Et c'est vrai que je fais partie des gens qui ironisent souvent sur Batman est-il de gauche, Batman est-il de droite, etc. Et bien Kevin Conroy apportait la réponse à cette grande question: Batman, il est humain. Ouais, et c'est pour ça que sa disparition mérite d'être honoré et de rendre à César ce qui est à César. Et on tout à l'heure on parlait de Mark Hamill et de sa réinvention de sa carrière avec le personnage du Joker. On l'écoute parler justement de comment il a découvert ce rire. Une des choses qui définissent le Joker, c'est son rire. Je me souviens quand je lisais les comics, c'était ha ha ha ha ha, mais c'était aussi beaucoup de ho ho ho hi hi hi. Son rire devrait être comme un instrument de musique. Ça doit en quelque sorte traduire son humeur. Ça peut être inquiétant et intimidant. Ça peut être joyeux et complètement en roue libre. Mais je ne voulais pas avoir juste un rire de routine. J'étais en train de conduire pour aller à la première séance d'enregistrement, à me dire, comment je ris alors? J'étais sur une autoroute de Los Angeles. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis sûr que les gens de Los Angeles auraient été inquiets de me voir. Genre, regardez ce mec qui rigole tout seul dans sa voiture. Ce qui me fait rire quand Mark Hamill dit ça, c'est que il oublie qu'il est Luke Skywalker et qu'à mon avis, les gens de Los Angeles seraient d'abord surpris de dire « Il y a Luke Skywalker dans la voiture à côté de moi qui rit tout seul dans sa voiture. » Donc il y a vraiment des couches... D'ailleurs, il y a un épisode comme ça où un affreux chauffeur, plutôt le Joker est un affreux chauffeur qui croise le regard d'un automobiliste qui vient de se prendre une queue de poisson. Et justement, je me suis demandé souvent si c'était pas une sorte d'hommage méta à cette scène-là. Le fait que tu croises le Joker en pleine route comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait, tu l'engueules, tu lui fais un doigt et tout, enfin, c'est assez bizarre. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et alors, question évidemment que je ne pouvais pas ne pas vous poser, c'est quel est votre épisode préféré? Parce qu'il y a plein d'épisodes cultes, donc il y en a forcément un qui a vos faveurs. Je sais que c'est compliqué. Alexandra Ramos, quel est votre épisode préféré et pourquoi? Il y en a tellement, c'est tellement compliqué. Bah, là, si on parle du Joker, je vais peut-être aller sur Heureux comme un poisson dans l'eau, parce qu'il me fait très très rire celui-là. Et au niveau du Joker, même si à sa voix est importante, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a aussi tout cet aspect gadget que peut avoir Batman, qu'il y a aussi dans le Joker, où il a aussi sa propre petite voiture, qu'il utilise les poissons pour infecter toute la ville de Gotham. Et finalement, il est hyper effrayant aussi cet épisode-là parce que tu dis qu'il va peut-être réussir et qu'il a vraiment des intentions aussi mauvaises. Son but, c'est pas forcément juste d'enquiquiner Batman, c'est aussi par moment de tuer. Donc ça, c'est un épisode très cool, mais Amour sur glace, c'est aussi un de mes préférés parce que l'origin story par rapport à Mr. Freeze, l'émotion qu'il y a eu dans ce personnage-là de se dire c'est pas juste un méchant, c'est pas juste un antagoniste de Batman, c'est aussi un homme qui va perdre sa femme et qui va tout faire pour la sauver. Et c'est là où finalement Batman, comme tu disais, comprend certaines intentions des méchants. Ouais, c'est aussi un de mes épisodes préférés, mais il est aussi connu de toute la communauté. Parce qu'il faut savoir qu'avant ce dessin animé, Mr. Freeze, c'est une sorte de clown qui fait que rigoler, qui lance de la glace, qui fait des petits traits d'esprit, des petits jeux de mots. Enfin, il y a rien, quoi. Et en plus, le design du personnage a été fait par Mike Mignola. Ouais, absolument. Ils ont fait appel à Mike Mignola et Kevin Nolan pour faire certains designs de personnages. Et alors, créateur de Hellboy pour voilà, de Hellboy, ouais, voilà. Mike Mignola, ouais, le créateur de Hellboy, ouais, effectivement. Philippe Bunel. Oui. Alors, je vais partir sur l'épisode Le Procès, qui est un épisode assez bizarre parce que en fait, Batman va à Arkham où il est piégé par tous les détenus. Et au lieu de le frapper, de l'humilier ou de lui enlever le masque, etc., ils lui font un procès pour lui dire « c'est à cause de toi, en gros, que nous sommes ce que nous sommes ». Et donc, en fait, ils vont essayer de jauger, parce qu'ils sont dans un procès, donc il y aura un avocat. Et c'est surréaliste, comme beaucoup dans cette série, mais cet épisode-là, il se démarque parce que il y a cette interrogation directe des vilains sur ce qu'ils sont, sur en quoi il y a une incidence sur le super-héros et qu'est-ce que le super-héros il crée en fait. Le fait qu'il y ait un super-héros, est-ce que ça oblige pas, que ce soit d'ordre naturel ou scénaristique, qu'il y ait un super-vilain? Sans super-héros, peut-être il n'y aurait pas de super-vilain. Et donc ça, c'est super intéressant. Et l'épisode, il est assez angoissant, mais en même temps un peu foufou. Et c'est parce que ça représente vraiment bien la galerie de monstres de la série. Et ouais, c'est assez passionnant. Douglas Attal. Et d'ailleurs, dans cet épisode, le seul vilain qui manque à l'appel, c'est Mr. Freeze, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont considéré que c'était un personnage qu'il fallait vraiment mettre par petite dose, tellement il était important et intéressant. De toute manière, Freeze, il peut pas se balader comme il veut à Arkham, il a une cellule réfrigérée, oui, donc ça aurait été compliqué à amener. moi, c'est le plastiqueur fou, Beware the Grey Ghost en anglais. On parlait de ce personnage du fantôme gris. Moi, c'est un épisode qui me touche énormément sur Batman qui retrouve l'idole de son show télé d'enfance. Et je trouve que c'est un épisode très, très émouvant parce que cet acteur, c'est devenu un peu l'ombre de lui-même. Il y a une scène hyper déchirante où il casse tous les produits dérivés qu'il a gardés de la série, de ce personnage qu'il a incarné. Et c'est un très bel épisode sur la transmission, sur Batman qui finalement aide celui qui l'a inspiré à devenir super-héros à garder un peu la tête hors de l'eau et à rester vivant. Et je trouve qu'il y a plein de choses hyper, hyper fortes dans cet épisode. Et puis je crois en plus que c'est le cas dans la vraie vie parce que Kevin Conroy était fan et aimait beaucoup le travail d'Adam West qui interprète la voix du plastiqueur fou. Donc je pense que l'émotion... Du fantôme gris, tu ouais, veux dire. Du fantôme gris, pardon. Ouais. Et que du coup, l'émotion aussi se ressentait... Et puis il y a une super, enfin, basiquement, il y a aussi une super enquête dans cet épisode sur qui est ce personnage dans l'ombre qui reproduit les épisodes du show télé Fantôme Gris, voilà, et il y a toute cette enquête qui mène tous les deux, Batman et le Fantôme Gris qui est super. Tu vois aussi un Bruce Wayne enfant qui est joyeux, ce que tu vois pas souvent en fait. Oui, absolument. Ocean Zerbini. Moi, ce serait l'épisode House and Gardens. C'est un épisode dans lequel Poison Ivy est sortie d'Arkham. Et apparemment, elle a refait sa vie. Donc, elle a un mari, deux enfants. Tout va bien. Et Batman est un peu suspicieux. Il se demande, est-ce que c'est possible pour une méchante de se racheter une bonne conduite et tout ça? Et en fait, la vérité, c'est que Poison Ivy s'est créé cette famille. Et en fait, les membres de sa famille sont des végétaux. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à WandaVision, dans cette manière de vouloir justement d'avoir un personnage féminin qui veut se reconstruire après des événements un peu traumatisants, en se créant une famille qui n'est qu'illusion. Et je trouve que c'est un épisode très touchant sur Poison Ivy, qui est... on va dire la pin-up par excellence, très très très sexy, avec ce pouvoir des plantes. Ouais. Et dans cet épisode-là, en fait, on découvre une autre facette du personnage qui voudrait peut-être une famille. Et c'est très rare dans la série de voir des méchants qui veulent aussi une famille. On a Victor, effectivement, qui voulait retrouver l'amant de sa femme. Et pour Pamela, du coup, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'elle veut vraiment une descendance. Et on découvre qu'en fait, tout n'est qu'illusion et que justement, les enfants qu'elle se crée finissent justement par pourrir et que tout est éphémère. Donc c'est un épisode très, très doux, amer, et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un motif récurrent dans la série, les super-vilains qui essayent de se racheter une conduite, et surtout dans la deuxième saison qu'ils ont réintitulé Batman et Robin, où en fait chaque super-vilain a cet épisode où volontairement ou par la force des choses, il essaye de se racheter une conduite, et évidemment ça échoue à chaque fois, ce qui aboutit souvent à des histoires assez tragiques. Il y a un super épisode où Double Face essaye de se reconstruire le visage, et puis chacun des super-vilains a cet épisode-là, et c'est souvent très fort, ces histoires-là, oui, dans la série. C'était la volonté, de toute façon, d'Alan Burnett de dire que Batman, The Animated Series, c'est chaque épisode, c'est l'histoire d'un méchant, et que finalement, le personnage principal, Batman, n'est plus forcément le personnage principal, mais est l'éternel antagoniste de chaque vilain. C'est un mal nécessaire, en fait. Ce qui est surtout vrai pour ces épisodes à lui, en plus, qui a fameusement écrit les deux épisodes sur les origines de Double Face, où il avait dit d'ailleurs qu'il avait été voir un pédiatre pour enfants, enfin donc un thérapeute pour enfants, pour justement essayer de se mettre à la place du spectateur cible et comprendre comment un enfant pourrait interpréter la folie, enfin la dissociation d'identité, pardon. Et voilà, donc un très bon épisode aussi. Par rapport à ce que tu disais sur justement le besoin de se recréer une famille, il y a aussi l'épisode avec Baby Doll et Killer Croc, qui est aussi un épisode très... très beau Jack Horseman à sa façon, très angoissant justement sur ce côté enfant star, et pareil comme justement pour le Fantôme Gris, comment le système, il y a une critique d'Hollywood aussi, comment justement le système va broyer des vedettes d'un temps et qui après les rend à la rue et dans un état pas forcément très très heureux. Après moi, mon épisode préféré, ou peut-être mes deux épisodes préférés, il y aurait Fits of Clay, l'origine story de Gueule d'Argile. Extraordinaire avec cette épisode scène d'animation absolument incroyable. C'est une tuerie. Déjà, c'est écrit par Marv Wolfman. On a oublié de le dire, la série a beaucoup d'auteurs de comics, Martin Pasco, Marv Wolfman, Jerry Conway, Len Vine, beaucoup. Donc qui est un vilain. Marv Wolfman, auteur et scénariste très connu des Teen Titans, dans l'âge d'or des Teen Titans. Tout à fait, exactement, et de Crisis aussi. Voilà. Donc évidemment, c'est l'origine story d'un acteur de cinéma qui va devenir un monstre. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, il y a tout cet hommage digéré à la fois à Hitchcock, à la fois à Orson Welles, aux monstres d'Universal aussi très fréquemment. C'est des monstres romantiques, des monstres fatalisés en fait. C'est souvent des revanchards aussi par rapport au système. Et là, le fait d'avoir justement un comédien qui peut prendre le visage qu'il veut... Donc, qui participe aussi d'une sorte de lecture méta sur Hollywood et sur l'animation en général, parce que on peut transformer ce qu'on veut en animation. Je trouve que c'est un épisode parfait. Pour moi, il n'y a rien eu de mieux sur le personnage de Gueule d'Argile. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'un jour ça change au cinéma, par exemple. Et l'autre, ce serait l'épisode sur le Clock King. Donc un vilain pareil très secondaire, un petit peu comme le Calendarman. Non, il n'est pas secondaire, il est principal, mais simplement les gens n'ont pas encore découvert tout son potentiel. Donc un vilain vraiment pareil, voilà, très très âge d'argent, très désuet, mais qui incarne aussi un petit peu un côté civil. Si on voit justement cet homme qui a une vie très très rigoureuse, très ponctuelle, qui prend toujours le même métro, qui va toujours au travail en même temps, et qui va être impacté par les actions de la mairie, comme on pourrait le voir aujourd'hui à Paris, par exemple, et qui va justement perdre tout du jour au lendemain et décider de se venger du système en appliquant au monde sa logique, justement très rigoureuse, très ponctuelle. Ça évoque un petit peu la nouvelle Repentoir Harlequin de Harlan Ellison, qui a aussi inspiré d'ailleurs l'écriture de V pour Vendetta, le comics de Alan Moore. Et je trouve que c'est un épisode qui est assez intéressant dans ce côté, un vilain très secondaire, qui d'un coup est pris très au sérieux et qui dit vraiment des choses, oui, sur l'organisation sociale et comment effectivement des vilains peuvent apparaître du néant, littéralement, parce que c'est vraiment juste un pauvre comptable ou je ne sais plus, un gestionnaire, voilà, qui est un mallette, cheveux gris, qui n'a rien en plus d'un athlète ou d'un super cerveau. Donc même de là, je trouve qu'il y a des super idées visuelles par rapport à un combat dans une horloge. Enfin, en fait, le moindre épisode sur un vilain, pour moi, est toujours réussi. Point. Et pour revenir sur Feet of Clay, l'origine de Gueule d'Argile, il faut savoir que, ouais, il y a une scène dont on se souvient tous, où à la fin, je crois que c'est à la fin de la deuxième partie, oui, il perd le contrôle de ses pouvoirs et il se métamorphose en plein de personnages différents très rapidement. Il faut savoir que cette scène, en fait, elle a été animée par un studio qui s'appelle, on parlait tout à l'heure que c'était des studios japonais ou coréens qui faisaient l'animation des épisodes. C'est TMS qui avait fait ça, c'est ça? Et ça, c'est TMS qui l'avait fait. En fait, en étudiant un peu le truc, tu te rends compte qu'ils sont vraiment derrière les épisodes les plus fous en termes d'animation. Tu vois ceux qui sont plus fins en termes d'animation, ouais, c'est TMS qui les a produits. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y a un deuxième studio qui a fait aussi des très bons épisodes. On le revoit aussi sur l'Origin Story de Robin. Et notamment dans un clin d'œil qui est pour tous les fans d'animation qui depuis a été repris dans énormément de séries et de films, qui est le fameux dérapage de la moto de Kaneda dans Akira. Et que Dick Grayson effectue avec le Batcycle sur le même plan. Et là, tout d'un coup, tous les fans ont pointé le doigt comme Leonardo DiCaprio. Ces studios ont mis tellement de travail et tellement de cœur sur cette série qu'il y en a un qui a aussi fourni des très bons épisodes, dont l'Origin Story de Mr. Freeze qui s'appelait Spectrum, en fait, qui passait tellement de temps sur les épisodes, qui a fini par déposer le bilan. En fait, il faisait manuellement la buée à l'intérieur du casque de Mr. Freeze. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont passé tellement de temps, ils étaient tellement impliqués dans un travail que c'était pas rentable financièrement pour eux. Ils ont dû mettre la clé sous la porte. Donc vraiment, à tous les niveaux, il y avait un perfectionnisme dans cette série qui était extraordinaire. Mais c'est pas ce studio qui a essayé de faire une sorte de Batman au Japon, justement, enfin, une sorte d'équivalent avec les techniques d'animation peut-être qu'ils avaient développées à ce moment-là? Peut-être, c'est possible. C'est possible. Vous rechercherez chez vous. Mais c'est une anomalie, en fait, cette série, parce que tu n'as pas une série animée au long cours avec cette qualité, déjà en fond et en forme, en fait. C'est pas étonnant qu'il y ait un studio qui coule à cause de ça. C'est bizarre. Oui, mais dans la première saison, l'animation, elle fluctue un peu quand même. Je trouve qu'ils trouvent une certaine stabilité à partir de Batman et Robin, où je trouve que là, il y a vraiment... Enfin voilà, il y a jamais de défaut, mais je trouve que dans la première saison, on voit quand même qu'il y a certains épisodes qui sont un peu en deçà en termes d'animation. Je suis d'accord. Il y a une équipe qui se forme aussi. Ouais, les studios, les liens qui se créent et tout. Et l'animation trouve vraiment son rythme de croisière sur la deuxième série, je trouve. Oui, sur la première série, je trouve qu'on constate les mêmes scories qu'on peut trouver sur une série qui est à peu près le même développement, qui était Ulysse 31, qui travaillait avec les Japonais, et en fait épisode à l'autre, suivant l'équipe qui avait travaillé, on voyait que l'animation était un petit peu en retard, les personnages étaient légèrement moins bien dessinés, qu'il y avait quelque part la team A, où tout de suite dès qu'on voyait quelques secondes, on se dit ok, ça va être l'épisode bien animé, ce qui est le cas du premier Lever Wings avec Man-Bat, où là c'est une démonstration, c'est une carte, et puis voilà, sur d'autres on se dit ah, ça c'est la team B, donc ouais, mais la team B reste toujours le haut du panier du moment, en fait. Et alors, on parle d'adaptation, mais ce qui est absolument phénoménal dans Batman, la série animée, c'est que là où des films piochent allègrement dans une continuité, etc., et puis les replacent plus, avec plus ou moins de réussite dans les films, sur grand écran ou sur petit écran, Batman, la série animée, a inventé des personnages, comme le disait Hossein Zerbini, qui ont été tellement emblématique et tellement charismatique qu'on a eu beaucoup de gens ont eu l'impression qu'ils ont toujours existé. Ce qui est le cas d'Harley Quinn, de René Montoya. Cette flic qui depuis en plus a eu sa série en bande dessinée. J'ai l'impression que c'est vraiment Batman la série et série animée une des rares séries où le monde du comic book a dit waouh. Pourquoi on n'y a pas pensé et qui a dit on va récupérer ces idées de l'adaptation alors que d'habitude c'est plutôt le sens inverse. Avec pas toujours de la réussite d'ailleurs. Enfin, j'ai du mal à trouver des comic books avec Harley Quinn qui soient de la qualité de Mad Love ou des épisodes de la série animée. Ça commence à arriver, c'est de mieux en mieux. En fait, c'est qu'il y a eu la fameuse première série qui était en 2003, je crois, où elle avait encore le costume de Paul Dini. Oui. Mais récemment, avec l'afflux de Capito qui a mis Warner Bros dans le personnage et cette nouvelle esthétique qui part de Suicide Squad, ils ont commencé, enfin, Squad de New 52 d'abord. Oui, oui, après, oui, c'est-à-dire aussi l'émancipation totale d'Harley Quinn du Joker. Qui maintenant, en fait, et d'ailleurs, c'est amusant. En faisant des recherches pour cette émission, on est tombé sur un TikTok de Mark Hamill qui a Tara Strong sur ses genoux et les deux jouent en fait le personnage de Harley Quinn et du Joker mais à l'ancienne dans ce côté un peu romance de Looney Tunes en fait parce que c'est vraiment comme ça que Paul Dini les a conçus avant d'écrire Mad Love et cette allégorie du couple dysfonctionnel et violent c'était vraiment c'était Bugs Bunny et Lola Bunny on va dire ou le chasseur et quelque part qui maintenant est très désuète parce que depuis qu'il y a eu Mad Love on ne peut plus en fait voir Joker et Harley ensemble autrement comme une allégorie de la violence conjugale. Ouais, tout à fait. Petite parenthèse, excuse-moi, c'est super drôle que tu parles de Lola Bunny parce que l'équipe de Tim pour les Teeny Toons, ils ont créé le personnage de Babs Lola qui est devenu après Lola Bunny sur Space Jam. Oui. Donc en fait, c'était un personnage aussi inventé qui elle-même a eu une évolution entre Space Jam 1 et Space Jam 2 parce qu'elle était jugée trop sexuée dans Space Jam 1. Je déteste les piqûres, je ne peux pas les supporter. Allons, sois raisonnable. Tu n'es pas immunisé comme moi. Et tu ne tiendrais pas 10 minutes dans cette zone aussi toxique sans mon antidote. Oh, après tout ce que j'ai vécu avec Monsieur Joker, une petite piqûre devrait être un plaisir. Je voudrais savoir pourquoi tu obéis à ce crétin. Comprends-moi, je sais comment Joker est quelquefois un peu brutal, mais il m'aime tant, j'en suis sûre. Mais oui, bien sûr. Tu es une copine indulgente et compréhensive, n'est-ce pas? Je ne suis pas une copine. Compris? If you had a middle name, it would be welcome. Il y a un surnom qui dirait bien. Bonne à tout faire. Oh, but cheer up, kid. Mais ne t'en fais pas. Quelques leçons de féminisme t'amélioreront. In other words, autrement dit, let's play with the boys. Il faut s'amuser avec les hommes, tout en restant libre. Eh oui, Harley et Ivy, un épisode qui a annoncé, sans le vouloir, l'évolution de leur relation, parce que désormais, il y a aussi une série dessinée aux spectateurs adultes qui présentent Harley Quinn et Poison Ivy en couple. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose, une tendance qui s'est confirmée dans le comic book au sein d'Herbeny. Oui, tout à fait, ça y est, elles sont en couple, elles sont très heureuses. Et ce qui est intéressant dans la série animée, c'est que on a des épisodes entiers qui tournent autour de leur amitié. Et où Batman, il est au troisième plan, en fait. Et où, effectivement, il paraît un petit peu être l'antagoniste au milieu de cette amitié qui arrive un peu à s'épanouir comme une belle plante, on va dire ça. Et c'est intéressant de voir aussi, pour une fois, deux personnages féminins qui sont des méchantes en plus et qui sont alliées ensemble. C'est quand même extrêmement rare pour l'époque de voir ce type d'amitié et en plus extrêmement saine puisque Poison Ivy, on l'entend dire dans l'extrait, il te faut quelques leçons de féminisme, mais c'est aussi une manière pour elle d'aider une amie à éviter les pièges du patriarcat en fin de compte. Donc il y a aussi un petit peu une sorte de d'émancipation effectivement assez féministe de ce point de vue-là. Et tout à fait. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant avec les personnages de Poison Ivy et d'Harley Quinn, c'est qu'on a l'impression que ce sont deux personnages qui ont eu un qui ont reçu une sorte d'impact dramaturgique, mais plus lié à l'époque qui change qu'à une véritable volonté intrinsèque des scénaristes. C'est-à-dire que Poison Ivy, qu'on a longtemps présenté comme une éco-terroriste, voilà, opposée à Batman, eh bien, vu qu'on est de plus en plus sensible aux questions de réchauffement climatique et tout ça, on se dit, mais en fait, elle avait raison avant les autres. Même un horrible épisode où Batman sort à Poison Ivy, tu as les convictions d'une écologiste fanatique. Oui, fanatique. Et là, effectivement, cet épisode-là a beaucoup moins bien vieilli que les autres. Il y a, de toute façon, il y a de la récupération aujourd'hui, parce que la création même d'Harley Quinn, elle est liée au personnage du Joker. Ils l'ont créé, Paul Dini l'a pensé, pour que le Joker soit un peu moins brutal, pour apporter un peu une touche d'humour et une touche de féminisme, comme ils ont été obligés de ramener Robin. Bruce Timm n'était pas très fan aussi de ramener Robin, parce qu'il fallait un peu de jeunesse par rapport à Batman. Et donc, on dit qu'elle est indépendante, et j'en suis très contente qu'elle est indépendante, mais finalement, elle est aussi indissociable du Joker, et même aujourd'hui, si elle est en couple avec Poison Ivy, souvent dans les conversations, le Joker va revenir, et elle est intrinsèquement liée à ce personnage-là. C'est pour ça qu'ils ont créé un nouveau sidekick du Joker, qui est vraiment une punchline. Qui est... Oui, mais elle est... Enfin, elle aussi, elle va évoluer, parce que c'est pareil, ils veulent tellement lier à la société d'aujourd'hui. Donc Punchline est une méchante qui va communiquer par podcast, qui va avoir elle aussi une communauté et qui va vite comprendre qu'elle ne peut plus être que l'acolyte du Joker. Et ça va aussi vite passer. Oui, puis de toute façon, c'est quand même pas quelqu'un de sain. Non. Il ne faut pas être avec cet homme-là, tout simplement. Après, on dit qu'elle est encore liée au Joker et c'est vrai. De la même façon que Lois et Superman seront toujours liés, même si on peut s'autoriser une romance par-ci par-là. Quand même, moi, je suis assez impressionné, en tant qu'enfant, je suis de cette génération, de la puissance de la marque Harley Quinn aujourd'hui, oui. Quand même. Oui. Que ce soit dans les conventions, au niveau des cosplays, une série animée en solitaire, quand même, ça n'arrive quasiment jamais pour un personnage qui part d'un héros qui est déjà connu. Enfin, quand on regarde les séries animées qui partent justement de Batman, c'est Superman, c'est la Justice League, c'est Wonder Woman. Dans le présent, on a Static Shock, d'autres séries de Justice League, enfin dans le présent, il y a 20 ans. Aujourd'hui, Harley Quinn, quand même, pour un personnage qui est si récent, en plus, qui a 30 ans, quoi, à peu près, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'elle a déjà eu un film, un deuxième film, une série animée, des applications, des jeux, etc. Enfin, c'est quand même... assez inédit. Enfin, aucun vilain de Gotham City n'a eu ça tout seul. Quoi. Et de manière très pragmatique, le Joker du premier film Suicide Squad, de David Ayer, n'a pas eu de lendemain. Moi, je suis content. Et c'est normal. Dans le Justice League de Zack Snyder. Oui, ça c'est un sujet que je laisse, que je traiterai peut-être quand je serai un peu plus enfant. Par contre, voilà, Harley Quinn a survécu, s'est réinventé, a eu Birds of Prey, a eu travail avec, la version Suicide Squad de James Gunn. On sait que Margot Robbie, voilà, s'est vraiment investie dans le personnage et même aujourd'hui, quand on parle d'un éventuel Joker 2 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui reprendrait le rôle de Harley Quinn, les gens se disent. Est-ce que y a besoin d'avoir une nouvelle version d'Harley Quinn alors qu'on a encore Margot Robbie et donc c'est vrai ce que dit Olivier Corentin, c'est que le personnage a une force même en jeu vidéo, parce que aujourd'hui il faut pas sous-estimer l'impact de l'univers des jeux vidéo qui est tout aussi important que celui des séries animées, parce que les jeux vidéo Batman Arkham ont été joués par des millions de personnes et Harley Quinn a à chaque fois a des rôles véritablement très importants, comme encore dans le dernier Gotham Knights, elle fait figure de protagoniste, mais avec elle est super bien écrite et donc c'est vrai que c'est rare de voir un personnage prendre une telle autonomie aussi rapidement. Je pense que aussi et être aussi juste exposé un peu au backlash aussi très masculiniste malheureusement de l'autre côté de l'internet, parce que c'est quand même un personnage qui continue à être pas mal détesté de beaucoup de communautés extrêmement extrêmement sexistes, et notamment le traitement du film Birds of Prey avait été ce qu'on appelle review bomb, donc c'est-à-dire que les gens mettaient un 0/10 au film, oui, bah, sur comme les ils ont sites fait de notation pour avant la sortie, comme ils ont pour fait beaucoup pour les anneaux de pouvoir. Dès qui a une idée de, voilà, de progressisme. En avant, voilà. Là, c'est, voilà. Donc, il y a aussi un backlash, je pense qu'il faut quand même un peu garder en tête. C'est-à-dire que je suis extrêmement contente de voir que le personnage semble parler à beaucoup de personnes, à beaucoup de femmes qui ont vécu ce type de relation toxique aussi, puisque c'était un des premiers exemples en fiction de ce type de relation et des mécanismes de ce type de relation. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, c'est quand même un personnage très détesté par une autre catégorie de la population. Après, justement, c'est ça que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que Bruce Timm a un amour immodéré pour les pin-up. Voilà, il en a dessiné des pin-up de Marvel et des pin-up de DC, toujours avec la même forme, etc. Et même dans l'écriture de certains personnages, je suis pas totalement convaincu qu'initialement il savait qu'Harley Quinn allait devenir ce modèle d'indépendance féminine. Lui, le côté vamp, même de Poison Ivy ou tout ça, c'est des choses qui lui plaisaient. Dans la manière qu'il avait de concevoir notamment le personnage de Batgirl et son évolution, il y a évidemment un film dont on parlera qui s'appelle l'adaptation de Killing Joke, qui a soulevé beaucoup de débats, mais il a un côté très très vieux jeu sur sa manière de concevoir les personnages féminins à certains aspects. Ouais, moi je trouve effectivement, moi aussi le film qu'il a fait, Batman versus Harley Quinn, me pose problème avec plein de plans gratuits sur les fesses d'Harley Quinn pour rien. Une relation qu'il a une vision un peu problématique des femmes, surtout sur les productions récentes, où peut-être qu'il avait un peu plus de pouvoir, il était peut-être un peu moins contrebalancé par les autres créateurs, que ce soit Paul Dini ou c'est pas. C'est littéralement je pense que là il avait un petit peu, peut-être un petit peu plus le pouvoir, et donc on voit effectivement qu'il a une vision très old school, et moi qui me dérange sur la manière de dépeindre les personnages féminins. Il y a aussi un peu une vision de la femme enfant. On a notamment le personnage de Baby Doll. Je trouve qu'il est littéralement cette incarnation-là. Et on a aussi, je trouve, Harley Quinn, qui est vraiment une incarnation de la femme enfant, très immature, notamment avec le Joker. Et c'est vrai qu'en revoyant la série, ça m'a un petit peu plus agacée, même si je trouve que le travail de Tara Strong est vraiment très très bon, et que plus Harley s'éloigne du Joker dans la série animée, et plus elle est intéressante, notamment avec Poison Ivy. Mais effectivement, il y a un côté, c'est pour Bruce Timm, c'est soit une femme enfant, ou soit une pin-up, une femme fatale, mais il n'y a pas d'entre deux, en fait. Alors attention quand même, parce que c'est marrant, quand on parle de la série animée Batman, on parle toujours de la série du Batman de Bruce Timm et Paul Dini. On a limite oublié un peu Radomski et Burnett, qui sont les deux grands autres architectes. Paul Dini, il a pas du tout. Il a une vision évidemment sexuelle des femmes, voilà, c'est un homme. Pour l'avoir interviewé, par exemple, lui, toutes les réinventions modernes de Harley, l'émancipation, etc., ça lui va très bien. Il n'a aucun problème avec ça. Et quand il a fait justement une bande dessinée qui parle de son agression, il a subi une agression dans sa vie réelle, qui s'appelle Dark Knight, autre Batman Story, où Harley Quinn, en fait, revient. Bah, il parle à des personnages imaginaires, donc qui sont les héros de Gotham City, et à la fin, Harley Quinn seulement revient parce qu'elle incarne pour lui, en fait, l'innocence et la candeur. Quand il écrit Harley Quinn, il écrit pas une femme enfant, il écrit une enfant. Il écrit un personnage des Looney Tunes, vraiment, donc un personnage qui est bloqué au stade de l'enfance. Et du gag et du cartoon. Quand Bruce Timm, justement, se sépare de Paul Dini, parce qu'ils ont vraiment fait chemin séparé maintenant, hein, ils ont même un peu du mal à se mettre d'accord sur beaucoup de sujets, il fait du Bruce Timm. Et Bruce Timm, effectivement, c'est un artiste érotique aussi. Il a une vision de la femme très particulière, mais quand on regarde ce qu'a fait Paul Dini sur Zatanna, par exemple, sur Harley, sur Ivy, lui, il a un amour des femmes qu'il considère limite souvent plus intelligente et plus débrouillarde, et aussi plus rigolote que les hommes. Je pense vraiment que si on devait le donner... D'ailleurs, Paul Dini a écrit beaucoup de séries sur les personnages féminins de DC Comics, et je pense que ça l'ennuierait beaucoup plus d'écrire un monde qui ne serait composé que d'hommes. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Moi j'attendais une virgule, non, et voilà. Bam. Pardon. Mais je pense qu'il c'était pour laisser le temps à l'auditeur de graver cette phrase dans le marbre et de dire voilà, je vote pour Olivier Corentin. Non mais tout à fait. Et justement ce Bruce Timm et le rapport qu'il peut avoir à ces communautés de lecteurs, de spectateurs de sa série, il a des choses à dire sur le sujet. I don't really get afraid. Je n'ai plus vraiment peur maintenant. It's like I have enough experience with these shows. J'ai désormais assez d'expérience avec ces séries. Yes, deep down, I. Ouais, fondamentalement, je comprends que les fans de comics et d'animation n'aiment pas vraiment les changements. Même s'ils vous disent, j'en ai tellement marre de ces personnages et je veux quelque chose de nouveau. Mais à la seconde, vous les changez et vous le diront. Oh, pourquoi vous avez changé ça? C'est pas le Batman de mon enfance. Ça a été pareil quand on a fait Batman la relève. Je savais qu'ils allaient tous dire, oh, un Batman ado, c'est une idée horrible. Mais je me suis dit, on s'en fout. Ils vont le regarder de toute façon. Ils veulent juste avoir de quoi se plaindre. Je m'inquiète jamais en amont de ce que les gens vont penser. Je fais juste du mieux que je peux. Et je sais que certains vont aimer et d'autres vont détester. Et c'est comme ça. Douglas Attal, c'est vrai que quand on est créateur, particulièrement au XXIe siècle, on est et qu'on récupère des gros personnages, des grosses franchises comme ça qui ont cette communauté de fans. Comment on arrive à faire la part des choses entre sa vision d'auteur, son ambition de peut-être soulever une pierre qui n'a pas encore été soulevée et amener une singularité, et ces fans qui sont presque comme des sélectionneurs de l'équipe de France, qui ont tous un avis précis sur ce qu'il doit y avoir dans une bande dessinée, dans une série, dans un film. Je trouve ça marrant qu'il ait cette aigreur là dans l'extrait qu'on va écouter, alors que quand même son travail est majoritairement très acclamé, que ce soit Batman, la série animée, mais même les séries sur lesquelles il a travaillé ensuite, que ce soit Justice League ou Justice League Unlimited. Moi, je partage pas tellement son avis. Je pense que y aura toujours effectivement des voix discordantes qui vont vouloir que Batman ce soit toujours la même chose, que ce soit la version qu'ils ont découverte quand eux étaient enfants, etc. Mais moi, je pense que les changements apportés qui apportent des choses aux personnages, elles sont toujours toujours bien accueillis, en fait. Donc j'ai toujours tendance à penser que la liberté, les changements aussi pour s'adapter à l'époque, c'est une bonne chose tant que c'est pas juste changer pour changer, voilà, que ça rajoute une couche en plus. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec sa vision des choses là, dans ce qu'on a entendu. De toute façon, la base de Batman, elle est assez simple. C'est un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui, par une nuit, va vouloir devenir Batman. Ce qui est là intéressant, c'est que c'est un personnage super malléable qui peut parfois être drôle, de ce qu'on a vu dans la série Dame Dame West, parfois très gothique, parfois très sérieux. Il est en solitaire, il est avec la Justice League. Il peut être, il peut tout faire, quoi. En préparant cette émission, ça m'a interpellé aussi de voir comment il pouvait parler des fans et de ses communautés, justement. Alors, en me disant, mais tiens, c'est bizarre. Et effectivement, ça a toujours été quelque chose de très bien reçu. Donc, pourquoi il est aussi amer? Et en fait, c'est vraiment lié au personnage de Batgirl. Parce qu'en fait, dans la construction qu'il a eue de la série, Batgirl, donc Barbara Gordon, ils avaient décidé que c'était donc la fille du commissaire Gordon et qu'elle allait être amenée à devenir Batgirl. Et initialement, ils avaient créé une romance entre Dick Grayson et Batgirl. Mais quand le personnage s'est émancipé de Batman et est devenu Nightwing, lui-même a trouvé que le personnage de Nightwing est trop sombre. Donc en fait, je vais faire en sorte que Batgirl ait un crush pour Batman. Et c'est là que les gens de son équipe lui ont dit « très mauvaise idée », mais lui, il a voulu y tenir. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi dans Batman Beyond, où on comprend que Barbara Gordon, âgée, a eu une relation avec Bruce Wayne, ce qu'il a concrétisé dans l'adaptation de Killing Joke, le comic book d'Alan Moore, qui ne parlait pas du tout de ça. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça, c'est ça qu'il est, quand il dit oui, ils ont toujours quelque chose à dire, c'est que lui, depuis le début, il est convaincu que mettre en couple Batman et Batgirl est une bonne idée, alors que le reste du monde a l'air de lui dire non. Et je fais partie du reste du monde. Si je dis pas de bêtises, dans les comics qui dérivent de Batman Beyond, il y a même l'idée qu'elle a été enceinte et qu'elle a avorté. Et ça nourrit encore plus le portrait de ce Bruce Wayne beaucoup plus cynique, beaucoup plus gris, beaucoup plus déprimé, qui forme Terry McGinnis depuis sa cave. Ce que disait Douglas, je pense qu'on peut rien ajouter à ça. Le changement pour le changement, ça sert à rien. Là, en l'occurrence, c'était juste une mauvaise idée. Et le rajout à Killing Joke, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc l'origin story un peu fantasmé du Joker, qui va définir un petit peu comment on conçoit le Joker comme un personnage du chaos et qui ne doit pas avoir d'identité. On y a greffé un prologue sur un mafieux. Voilà, ce prologue sert à introduire effectivement une scène d'amour entre Barbara Gordon et Bruce Wayne. Encore aujourd'hui, des gens font des cauchemars et oui. considèrent que sinon, ce n'est pas canon, même dans les séries animées, parce que c'est vraiment aller trop loin. Et en plus, il fait ça, encore une fois, sans l'équipe de scénaristes qui est aussi co-auteur. C'est pas juste... C'est comme quand Cameron... Mauvais exemple. C'est comme quand Ridley Scott vient Prometheus et qu'il considère que c'est le créateur, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est pas juste lui le créateur, et de la même façon, Bruce Timm n'est pas le seul créateur de la série animée Batman. Il n'a pas à s'octroyer le droit de faire ce genre de choses. Et évidemment, quand on n'est pas d'accord avec cette vision qui n'est pas présente dans la série animée, on a le droit de le dire. C'est mais en fait, ce qui est gênant, c'est que on a l'impression qu'il fait ça pour donc cette relation entre Batman et Batgirl. Pour que lorsque Batgirl se fait agresser par le Joker, on ait un sentiment, qu'on se sente un peu plus concerné, mais en fait, il n'y a pas besoin de ça. Enfin, il y a pas besoin. Alors que quand j'ai lu Souriez très jeune et que j'ai juste vu cette jeune fille qui vit avec le commissaire Gordon qui ouvre la porte et qui se fait tirer dessus par le Joker et ensuite ce que le Joker lui fait subir à elle et à son père où il prend des photos d'elle nue, blessée, en train d'agoniser pour voir si le commissaire va devenir fou. C'est bon. Ouais, vous m'aviez déjà. J'avais pas besoin de plus. Il y a un truc malsain parce que la relation entre Batman et Batgirl, c'est plus une relation d'un peu de mentor. Batman va lui expliquer un peu qu'est-ce que c'est être une héroïne et emmener un peu dans cette quête pour sauver Gotham. Et là, on tombe dans un truc un peu sale de le mentor couche avec son élève. Alors que c'est pas du tout ça parce que Batgirl a un recul par rapport à Batman et tout aussi intelligente que Bruce Wayne et son c'est d'autant plus fort de lier Batgirl et son père. Et dans le comics, c'est tout aussi marquant. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui est arrivé après Batman, la série animée. Mais il y a aussi une autre série qui s'est développée, Batman Beyond, Batman la relève. On écoute. Je veux que tu me remettes ton costume de Batman. What? Pardon? Why? Pourquoi? Il n'y a plus de raison pour que tu continues. Tu t'es vengé des assassins de ton père. Puis tu as mis ta vie de côté pour venir en aide à cette ville qui avait besoin d'un super-héros. Tu t'es montré digne de la réputation de Batman en plusieurs occasions et je t'en suis reconnaissant. Alors pourquoi? Je n'avais pas le droit de modifier le cours de ta vie ni celle des autres. C'est moi qui suis venu chez vous pour prendre le costume. Yes, there was my dad. C'est vrai, il y a eu le meurtre de mon père, mais à part ça, nous venons de deux mondes différents. I wasn't like you or the kids. Je n'avais pas de point commun avec vous ou vos autres associés. I was a pretty bad kid once. Avant, j'étais un gamin sans scrupules. Je traînais avec une bande de voyous, piétinais la loi, sans parler de la dignité de mes parents. J'étais un sale gamin avec qui vous n'auriez pas perdu votre temps à l'époque. Your point. Tout ça pour dire quoi? I'm trying to make Je tente désespérément de racheter mes erreurs. The state says my three months. Aux yeux de la loi, j'ai effacé mon ardoise. Mais à l'intérieur de moi, tout n'est pas réglé. Chaque fois que j'enfile ce costume, j'ai soif d'aider les gens en difficulté. Tout mon être réclame justice. C'est ma façon à moi de redevenir un être humain valable. Au moins à mes yeux, si ce n'est au vôtre. Si je le fais, c'est que c'est mon choix. Stupid kid. Gamin stupide. Tu crois savoir ce que tu veux, mais aucun d'entre vous ne l'a jamais su. Batman Beyond, Batman la relève, la suite de Batman la série animée, avec ce générique absolument cultissime qui a été mis en scène par un dessinateur qui nous a quitté aussi, un dessinateur de génie, Douglas Attal. Darwin Cook, qui a fait des BD assez mémorables. New Frontier, La Nouvelle Frontière, Parker. Batman Ego, Parker, tout un tas de choses. Ouais, il nous a quitté vraiment tôt, alors je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à raconter, mais ouais, c'est un générique qui est tout aussi marquant que la série Batman, la série animée, dans un genre complètement différent, beaucoup plus, comment on pourrait dire, On est dans le futur. Voilà. Et puis une galerie de vilains hyper charismatiques aussi. Je pense évidemment tout de suite, me vient en tête Inc. Là, cet assassin qui ressemble à une énorme tache d'encre et qui s'oppose à Terry McGinnis, qui est une sorte de parents spirituels entre Batman et Spider-Man dans la jeunesse du... C'est marrant, moi autant j'aime beaucoup le générique, autant la série, je trouve qu'elle est un peu dans l'ombre de son prédécesseur, donc Batman la série animée, et aussi un peu dans l'ombre de Spider-Man, je trouve, où tu as aussi un héros ado, et d'ailleurs tous les héros sont des sortes de répliques, tous les méchants pardon sont un peu des répliques de personnages de Spider-Man. Tu as Inkay qui est un peu Venom, tu as une sorte de Kraven le chasseur, tu as une sorte de Mysterio, et pour le coup, moi, j'ai pas l'impression que les méchants soient vraiment restés, ils ont pas marqué les esprits autant que... C'est le style et le Batman plus qui a marqué dans Batman Beyond que les méchants. Et comparatif, comme tu dis... Excuse-moi, pardon. Ah, oh, vas-y, je t'en prie. D'accord. Bah, le comparatif, comme tu dis, est accablant, parce qu'on part d'un truc qui est très années 40, très hors du temps. Et là, on arrive dans une vision futuriste qui ressemble vraiment à ce qu'on voyait au cinéma à l'époque des années 80. Les voitures volantes, les wastelands, le côté ville futuriste, vraiment. Par contre, encore une fois, on peut saluer la prouesse. C'est vrai qu'elle est, enfin, ce personnage de Terry McGinnis, pour ceux qui ne l'ignoreraient, n'existe absolument pas en bande dessinée. C'est une création totale de Bruce Timm, en l'occurrence, et de Darwin Cook. Et quelque part, il a fini par arriver dans le canon des comics. Aujourd'hui, il y a bien, effectivement, un Terry McGinnis. Il y a même des relectures modernes dans les histoires très, très indépendantes. Je parlais de Beyond the White Knight de Sean Murphy. On considère que voilà, c'est un des héritiers potentiels ou d'un des futurs possibles potentiels de Bruce Wayne, comme le Dark Knight Returns, comme le Batman Year 100, etc. Et en fait, Batman La Relève, c'est une série qui a été conçue à un moment où ils ont dû changer de chaîne, où ils sont passés de la Fox à WB, et en fait la chaîne voulait un héros qui ressemblait plus aux téléspectateurs, donc des héros enfants ou ados, et Bruce Timm et son équipe ont décidé que plutôt de raconter un Batman ado, ce qui n'avait aucun sens, de dire que voilà, Batman formait un nouveau Batman adolescent dans une ville futuriste. Philippe Bunel, il y a aussi, en marge de Batman Beyond, la série Justice League, il y a eu Superman, la série animée, il y a eu des films faits aussi dans la continuité de cet univers animé. Même en termes d'animation, c'était la première fois qu'on voyait une série servir de porte d'entrée à tout un univers qui s'est créé presque devant nos yeux. Exactement. En fait, Batman a été suivi par donc Superman en 96, après Batman Beyond en 99 et en 2001 la Justice League. 2001 jusqu'à 2006. Tout ça, on pourrait dire que c'est le Teamverse, en gros. Et même après, le Teamverse a continué, puisque Bruce Timm, il a utilisé sa team, justement, pour créer des films derrière, des films qui sont dédiés, du coup, vraiment aux fans des TV, donc pour la vidéo, et donc ils sont plus matures, plus fidèles aux œuvres qui ont été adaptées, et que ça avait commencé par Doomsday. Et justement, on parlait de Batman Harley Quinn et de l'adaptation de Killing Joke. Faut savoir que c'était le capricieux Bruce Timm qui voulait faire sa version et qu'il pouvait enfin parce qu'il ciblait des adultes. Mais pour arriver à ce stade de sorte de quasi divin dans la pop culture super-héroïque, il a développé avec plein d'artistes qui sont venus se greffer à lui, comme le producteur Glenn Murakami, plein d'artistes. Qui a travaillé plus spécifiquement sur les Teen Titans, qui sont devenus les Teen Titans Go. Exactement. Mais il était producteur sur The Batman, et aussi sur Beware the Batman. Oui. Voilà, qui sont Jeff à chaque fois des propositions différentes. Donc Bruce Timm, il a injecté cette idée de toujours vouloir faire des choses différentes. Alors des fois il y a des dérapages, hein, mais au moins on a toujours en tant que fan ou pas, hein, des comics, on a toujours cette nouvelle proposition à chaque œuvre. Et ce qui est fort, c'est que avec Superman et avec la Justice League, il fait exactement la même chose que pour Batman, avec bien sûr des univers différents. Il va tout reconfigurer, tout recréer des origin stories, il va tout remettre à plat et relancer la mythologie. et créer de nouveau une sorte de Justice League qui est essentielle pour des millions de spectateurs parce que... Le cartoon de la Ligue des Justiciers est extraordinaire. Et formidable. Ouais, incroyable. Particulièrement Justice League Unlimited, oui. La deuxième partie où là, il ouvre les vannes et il fait appel à tous les héros principaux de DC. C'est un espace de liberté, cette série qui est énorme. Moi, je trouve que dans cet univers-là, c'est la meilleure série avec Batman. Vraiment, il y a des grands moments dans cette série. Et d'ailleurs, le Team Verse se ferme un peu dans cette série avec un épisode qu'il appelle épilogue. Une sorte de conclusion à toutes les intrigues lancées à la fois dans Batman, Batman la Relève et Justice League, qui est un joli épisode. Et alors, on arrive à la fin de cette émission, mais on n'a pas parlé d'un film. C'est un tort, hein, mais en même temps, ça vous laisse la chance en tant qu'auditeur de le découvrir seul, qui est pour moi et le plus grand film Batman, tout média confondu, jamais fait, qui est Mask of Phantasm, Batman contre le fantôme masqué, qui est un film fait dans l'univers de la série animée. Voilà, regardez-le avec le personnage d'Andrea Beaumont. La meilleure. Est vraiment incroyable. C'est l'une des meilleures origin stories de Batman, clairement. Oui, c'est formidable, un dessin animé. Et c'est une belle relation d'amour de Bruce Wayne et d'Andrea. C'est peu. Et le Joker. Et évidemment. Alexandra Ramos, Douglas Attal, Olivier Corentin, Océane Zerbini, Philippe Bunel, merci d'avoir parlé si longuement de Batman, la série animée. Donc n'hésitez pas, procurez-vous les coffrets, regardez-les vraiment et dites-nous ensuite, écrivez-nous sur Twitter, sur le blog FI, ce que vous en avez pensé. Si jamais vous ne connaissiez pas, si vous connaissiez déjà, vous étiez convaincu. C'est la fin de cette émission. Je remercie également Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Merci Anne-Sophie. Merci à Benjamin Ducy qui l'a préparé. Et évidemment, un grand merci et bravo à Pauline Laverdure à la technique. Aujourd'hui, vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20, le répondeur. Vous connaissez l'histoire, ou en parler directement avec moi sur Twitter, le temps que ça existe, hein, le temps que ça dure, parce que Elon Musk n'a encore pas tout cassé, mais on sait jamais, avec le hashtag BlockbusterFI. What have I got to be afraid of? You're afraid of being ashes. You're afraid of being forgotten. And you will be forgotten, Joker. Because of me, I am vengeance. I am the night. I am Batman. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.